fou de matinée extraordinaire. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. David Ferron sera de retour avec une nouvelle chronique, Les Notes Salées. On apprendra des choses ensemble grâce au segment éducatif, c'est un fait. Assemblage Requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 8 septembre 2014. Ben oui, toi. On est là pour vrai. C'est vrai. Oublier la veste ce matin, c'était pas une bonne idée, je trouve. Ben oui, c'est vrai, t'es arrivé pas de veste. Toi, t'es pas du genre à regarder la météo avant de te coucher le soir ou avant de partir le matin. Pas tellement, non. Et je me fie pas non plus sur l'émission du matin de C'est fou pour me renseigner sur la météo, parce que c'est pas ça qu'on fait. Hein? Mais non, de toute façon, t'es déjà rendu, il est trop tard. C'est ça. Pourquoi est-ce que je me dirais moi-même la météo rétroactivement? Ben, ça pourrait peut-être être pratique pour peut-être un matin d'assemblage prérequis la semaine prochaine. Ouais. Donc là, Mathieu, la semaine passée faisait vraiment froid. Ah, imagine bon. Ce matin, mets donc une veste. C'est bon ça, la météo du passé, les éphémérides de la météo. C'est comme un almanach à l'envers. Tellement utile. Donc, bienvenue à Assemblage Requis, l'émission du matin de C'est fou avec Stéphanie Paradis, Mathieu Plante et des chroniqueurs invités, par exemple David Ferron qui va être de retour avec après plusieurs sessions d'absence. Mais oui. On le connaissait pour ses différentes chroniques comme Brancher le monde, La langue dans ton oreille. Exactement. Et il revient avec Les notes salées. Là, je suis sûre que c'est vous vous êtes parlé puis vous vouliez absolument que je dise le mot salé. Salé. C'est ça, hein? C'est arrangé, ouais, là. Oui, c'est ça. T'aimes ça rire de moi. Allez. Donc, c'est ça, David Ferron qui va être avec nous vers les 8 heures. Autour de ça, on va faire C'est un fait et son foutu palmarès et d'autres trucs comme ça. Ça va être une bonne petite émission remplie du lundi matin. Voilà. Super. C'est pas les notes salées, là. C'est pas sucré salé. Il n'y a pas de guigeau d'oing. Il n'y a pas de TVA là-dedans. Ben, malgré le guigeau d'oing, moi. Il est bien fin. Oui. C'est un petit peu mainstream. Nous, on va à contre-courant, hein, avec des choses qui vont des fois à rebrousse-poil. On va débuter l'émission avec The Harpoonist and the Axe Murderer. Hein? Si, tu sais, contre-poil, c'est pas mal ça. Voici T42, puis dangereux. Il y a un meurtrier dedans. C'est trouver le meurtrier dans la chanson. Ah, ok. C'est fou. The Harpoonist and the Axe Murderer avec T42, position numéro 5, anglophone. Puis on aime ça. Mais ça, hey, c'était une nouvelle entrée récente, ça, là. Ouais. Il commence à avoir des affaires pas pires. Je pense que je l'avais jamais écouté. Non! aigu comme ça, on aurait pu croire à du Kinky Sexy Time, mais non. Ou à David Ferron. Mais non, détrompez-vous, c'est plutôt c'est un fait. Des choses que tu sais pas, c'est un fait. Oh boy. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V, les trois vitesses et pitch de voix. Ouais. Mais t'en as juste fait deux. C'était moi troisième. Ouais, c'est... J'étais stable. Ah, voilà. Voilà, j'étais comme juste pour rire, là, le bonhomme à deux côtés de corps, là, tu sais, là. Puis déguisé en femme d'un bord et en homme de l'autre, là. Hein? Non? C'est quoi? Il y avait un numéro de juste pour rire tout le temps, là, avec un gars qui, tu sais, comme à moitié gars, moitié fille, mais comme verticalement parlant. Laisse faire. Donc, commençons, c'est un fait, avec... Est-ce que tu connais l'acteur Heath Ledger? Est-ce que ça te dit quelque chose? Comment? Heath, ça, pas, tu me le dis en japonais? Heath Ledger. OK, ouais, vaguement. Vaguement quelque chose. Hein? Ouais. C'est l'acteur qui jouait le Joker, là, il est mort. Ben oui. Il est mort! Il est mort le 22 janvier en 2008, 7 mois environ avant la sortie de The Dark Knight, avant qu'il joue le Joker dans ce film-là. Le lendemain, son nom a dominé les recherches Google, mais certaines personnes avaient des difficultés à appeler son nom à M. Heath Ledger. Ah, c'est clair. C'est sûr, c'est pas un nom facile, H-E-A-T-H. Donc, le top 20 des recherches Google pour le 23 janvier 2008 était dominé par Heath Ledger et autres recherches genre accessoires. Le numéro 2 appartenait à Keith Ledger. Keith Ledger, un gars absolument inconnu, mais c'était quand même, quand tu tapais son nom, ça te disait « Voulez-vous dire Heath Ledger? » Probablement, oui. Ouais. Ça montrait directement donc, les résultats de Heath Ledger. D'autres modes ou trucs tendances sur Google, entre autres les frères Jonas, qui était un terme plus populaire que Jésus et les Beatles en 2008, et Chuck Norris qui a battu le terme « saint poitrine, boobs » pour une courte période en 2006. Wow! Mais, hey, c'est quand même! C'est quelque chose? Chuck! Je suis sûr que si Google lui-même googlait quelque chose, il googlerait Chuck Norris. C'est sûr, il est omniprésent. BMW a demandé aux gens de renvoyer leur système GPS, présumément, parce que les Allemands refusaient de prendre des conseils de femmes. Et là, on dit présumément. Donc, c'est un professeur en communication à Stanford University qui dit dans son livre « The Man Who Lied to His Laptop » que BMW a dû faire un rappel de ses systèmes GPS parce que les hommes allemands n'aimaient pas se faire donner des directives par une femme. Apparemment, BMW recevait des appels haineux par rapport à la voix ou au sujet de la voix féminine lorsque le GPS est sorti. Ils expliquaient que les clients... ils ont dû expliquer aux clients que la voix de la femme n'était pas une vraie femme dans la voiture ou un système avec une femme en direct, évidemment. On explique aussi que le système avait été conçu et que les directions avaient été écrites par des hommes. Apparemment, c'est un problème assez répandu et ils ne veulent pas se faire dire quoi faire par une femme. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais ça, c'est présumément, tu sais. Hein? Ouais. Mais déjà, quelqu'un a pensé que ça se peut, tu sais. L'accusation cache-t-elle quelque chose? Les gamers découvrent des informations sur le virus du sida. L'Université of Washington, l'Université de Washington, a créé un genre de jeu vidéo qui s'appelle Fold It, qui est un puzzle en ligne où l'objectif est de plier la structure des protéines aussi efficacement que possible. Et les scientifiques peuvent ensuite utiliser ces solutions-là pour résoudre de vrais problèmes dans le vrai monde. En 2011, les joueurs ont découvert quelque chose d'incroyable. En seulement 10 jours, les joueurs de Fold It avaient déconstruit et décortiqué et compris une structure d'un virus qui causait le sida. Un virus de singe qui cause le sida. C'est AIDS Causing Monkey Virus. Donc, le virus de singe qui cause le sida, non pas qui cause le sida chez les singes. Hein. Les scientifiques avaient été incapables de découvrir cette structure-là, la structure de cette enzyme, pendant 15 ans. Fold It adopte le concept de ce qu'on appelle la gamification pour attirer un plus grand public, particulièrement ceux qui ne sont pas scientifiques, qui n'ont pas de connaissances scientifiques. Ça crée une plateforme beaucoup plus large où les gens découvrent de vraies solutions dans le vrai monde et partagent avec leurs amis qui ensuite vont pouvoir construire par-dessus ces découvertes-là. Donc, ça devient de plus en plus gros. Foldit fournit des didacticiels, des tutoriels, comme on dit des fois en mauvais français, pour utiliser ces outils-là pour manipuler des structures de protéines. Et ensuite, il y a des scores calculés basés sur comment la protéine est pliée. Et on essaie de passer ça sous le en déguisement, genre de plaisir, alors que les gens tombent sur des découvertes scientifiques dans leur temps libre. Faut pas leur dire là, qu'ils sont rendus brillants. Là. Eh ben non, hein? Rien d'or. Hey, c'est pas ça. Si je voulais apprendre, je serais pas en train de jouer à des jeux vidéo. Eh non, hein? Hey, t'as pas gaspillé ton temps, que c'est ça? Ensuite, Tom Clancy, est-ce que ce nom te dit quelque chose, Tom Clancy? Il est sur des jeux vidéo, lui. C'est ça, c'est souvent le Tom Clancy apostrophe S et le nom du jeu vidéo. Donc, Tom Clancy est connu pour son écriture, en fait. Il écrit des histoires très, très détaillées, souvent très techniques sur les activités militaires, sur l'espionnage. Mais on pourrait penser que c'est donc un vétéran. Par contre, l'auteur, qui est maintenant décédé... Ah ouais? Oui. N'a jamais servi dans l'armée militaire. En fait, M. Clancy a joint les Training Corps de l'Army Reserve Officer, donc les Army Reserve for Officers Training Corps. On disait qu'il était pas éligible quand il a essayé de s'inscrire. Parce qu'il avait les pieds plats? Les pieds plats. Daltonien? Non. T'es gros? Un pied mariton. C'est quoi la chanson? Marie-Madeleine. Je sais pas, tu m'as tout mêlé. Bref. Non, il y avait juste des problèmes de vision. Donc, malheureusement, pas malheureusement, à la place, Clancy a travaillé comme vendeur pour une compagnie d'assurance à Owings dans le Maryland. Pendant ses temps libres, il écrivait des romans. Éventuellement, il a envoyé son premier livre publié qui était The Hunt for Red October. Pendant sa vie, Clancy a écrit 14 romans. Il y a plus de 100 millions de copies de ses livres qui sont imprimés en ce moment. Depuis sa mort, plusieurs écrivains ont continué ses franchises, surtout Mark Greene. Et en 1996, Clancy a fondé Red Storm Entertainment, qui a créé des jeux vidéo sous le nom de Tom Clancy. Présentement, Red Storm est une propriété de Ubisoft et a produit plus de 40 titres de Tom Clancy. C'est pour ça qu'on utilise son nom. Les gens connaissent pas nécessairement le nom Tom Clancy à part pour les jeux vidéo. Ceux qui jouent aux jeux vidéo. Effectivement. C'est ça. Donc, je sais pas quelle notoriété ça apporte vraiment aux jeux vidéo. Mais quand même. Moi, j'aimerais savoir mon nom sur des jeux vidéo. Stephanie's Hunt for Red. Stephanie Purdy's Hunt for Red. Hunting for Cupcakes. David Ferron's Hunt for Whatever. David Ferron Hunts for. Ensuite, Volvo a choisi la sécurité au lieu des profits en 1959. C'est rare pour une entreprise. Toutes les entreprises, évidemment, veulent faire de l'argent. Si les ingénieurs trouvent quelque chose de nouveau, si ça fera pas d'argent pour les présidents ou les hauts placés ou les cadres, l'idée va pas vraiment aller loin. Heureusement, c'était pas le cas en 1959, lorsqu'un ingénieur de chez Volvo, Niels Bohlin, a créé la ceinture à trois points de sécurité. Donc, à ce moment-là, il y avait deux options pour les ceintures de sécurité, soit un harnais pour les pilotes, les chauffeurs, les conducteurs de voitures de course, ou encore un système à deux points pour le conducteur moyen. Deux points, c'est évidemment, on prend la ceinture à sa droite ou à sa gauche et on vient la clipser de l'autre bord, mais c'est juste. À trois points, c'est qu'il y en a un en diagonale comme une reine de beauté. Donc, des fois, ça faisait plus de dommages que sauver des vies. Donc, ça... Ça te casse en deux. C'est un peu ça. C'est deux portions pour emporter. Donc, Volvo a vu l'importance de cette nouvelle création-là. Ils ont ouvert le brevet à n'importe quelle compagnie de voiture. Et donc, la ceinture de sécurité en trois points a pu être adoptée de façon massive. Ils ont réalisé que le coût par rapport à la création de ça et les vies qui allaient être sauvées allaient peser dans la balance plus que les profits qu'ils n'allaient pas à faire avec ça, dans le fond. Qu'elle n'allait pas faire parce que ça ne ferait pas de profit pour eux. Donc, Bohlin a reçu une médaille d'or de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences en 1995 pour son invention. C'est bien ça. Je suis donc bien fière d'eux autres. Bravo! Bravo! Ouais. Ouais. Ensuite, on passe aux rêves. OK. Ne pas dormir en voiture. Hein? Endormi ou éveillé? Rêve endormi. OK. Rêve peut-être même un peu kinky. Depuis plusieurs années, en fait, les gens essaient de devenir maîtres, de plutôt s'approprier leurs rêves. Donc, de faire peut-être d'avoir des fantasmes, des rêves lucides. Et la façon de dormir, la position de sommeil va affecter de quoi tes rêves ont l'air. Les trois positions principales sur lesquelles on peut... dans lesquelles, les positions dans lesquelles on peut dormir. Qu'est-ce que c'est selon toi? Je pense que c'est assez évident. On les voit sur les marques d'oreiller. Sur le dos, hein? Sur le ventre, hein? Sur le côté. C'est ça. Tête en haut, tête en bas. Pas de tête. Coupé en deux. Donc, les trois positions, tu les as trouvées. Dormir sur son dos, c'est la façon la plus sécuritaire d'avoir des rêves normaux. T'sais, ouais, mais qui veut avoir des rêves normaux? Tu prends pas de risque, pas de risque du tout. De toute façon, des fois, on s'entend normal, c'est arbitraire, là. C'est ça, c'est dans l'œil de la personne qui regarde. Donc, ceux qui prennent des risques et qui voudraient des rêves un peu plus bizarres, épeurants, des fois même sexy, pourraient dormir sur le ventre. Une étude chez 700 dormeurs nous apprend que ceux qui dorment le ventre vers le lit ont plus de chances d'avoir des rêves par rapport à se faire emprisonner, avoir des relations sexuelles, voir des extraterrestres, des ovnis, être nu et avoir une relation avec une vedette, une célébrité. Ben, je sais déjà comment je vais dormir à soir. Mais j'imagine que c'est parce que tu dors avec tes... c'est pour les gars avec... Ouais, t'as une pression peut-être. C'est ça, une pression. Ouais. Pour les filles, ben je sais pas, j'imagine que tu peux mettre une couverte dans les... tu fais ce que tu veux. Ben, hein? Ou pas. Ou pas, là. Donc, essayez ça ce soir. Même si dormir sur le ventre, c'est pas conseillé par les chiro. Ouais, c'est pas bon pour le dos. La colonne vertébrale est pas droite. Faut de temps en temps. C'est ça, faudrait dormir sur le dos ou sur le côté. Ensuite, est-ce que tu connais Charles Pretty Boy Floyd? Non, c'était le Robin des Bois de son époque. Charles Arthur Pretty Boy Lloyd était un gangster américain jusqu'en 1934. Il était stationné dans le Midwest et était connu pour son passé criminel. Il volait des banques. Il volait leur argent, bien sûr. Hein? Tu sais, tu peux voler dans une banque. Les stylos. C'est pour ça qu'ils sont attachés après des petites chaînes. C'était à cause de M. Pretty Boy. Exactement. Voilà. Mais étrangement, tu dis des crayons, j'ai dit des paperasses, et en effet, il volait de la paperasse. Il volait des papiers d'hypothèque de fermiers locaux pour les libérer de leurs dettes. Ah? C'est fou, hein? Les citoyens locaux ne le voyaient pas comme une menace, plutôt comme un héros. Et quand il est sorti de prison, il a été tiré. Et puis il est mort à Clarkson, en Ohio. C'est des policiers dans un champ de maïs qui l'ont tué. Il a été déclaré ennemi public numéro 1 par les officiers de police locaux. Et le très infâme Charles Floyd a influencé plusieurs jeux vidéo, dont Team Fortress 2, la musique, les bandes dessinées, les films pendant des décennies après. Ah! Ouais. Très, très bien coté, ça, Team Fortress 2. J'ai vu une vidéo là-dessus récemment. Là. C'est beau, ce jeu-là! C'est bon! C'est encore populaire. Moi, je trouve ça quand même intense que ce soit ennemi public numéro 1. Number 1. Il me semble que j'ai déjà vu pire comme criminel. Pas mal pire. Moi, je suis ça de même. Est-ce que tu connais, beaucoup de questions pour toi, Dwayne The Rock Johnson? Ben oui. Vedette de cinéma maintenant? Oui. Ouais, ben ouais. Vedette. T'es tellement un grand acteur. Vraiment. De renom. Et avant ça, un lutteur. De plus haut calibre, peut-être. Probablement. Même si je suis pas tant calé que ça en lutte. C'est pas grave. On peut comprendre l'aspect théâtral de ça. Oui, pis, ben oui. Il l'avait quand même bien. Mais peut-être qu'on va l'avoir un petit peu plus haut dans notre estime avec ce fait-là, Steph. Dwayne The Rock Johnson croit que l'échec est critique pour grandir. Quand il était au secondaire, il a eu une blessure qui lui a coûté une carrière de football professionnel. Ses amis signaient autour de lui des contrats pour le NFL. Lui, il n'a pas été choisi. Il a donc vécu une grosse dépression. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est retourné dans sa famille. Après s'en être remis, par contre, il a changé cet échec-là en positivité en essayant de travailler et de signer un contrat de lutte. Ça a fonctionné pour lui. Il est devenu assez célèbre, un lutteur d'influence. Il est devenu riche, mais toujours très, très humble. Et The Rock dit que l'échec est absolument important et critique dans la vie pour rester humble et aussi avoir du succès. Donc, j'adore sa façon de penser. Intéressant. The Rock Johnson. Bravo. Can you smell what The Rock is cooking? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu fais comme bouffe. Ensuite, la Grande-Bretagne a des trains fantômes. C'est vrai. Le système de train britannique a un petit quelque chose de curieux. C'est des trains fantômes, donc c'est des lignes de train, des rails, des trains, tout ça fonctionne la nuit. Mais ils ont un horaire assez compliqué. En fait, t'es pas supposé savoir quel est l'horaire. Et si tu vois un de ces trains-là et que tu veux acheter un billet pour monter dans le train, le conducteur va essayer de te faire changer d'idée. Ils veulent pas que tu prennes le train. D'après moi, c'est le train pour Poudlard, ça. Là. Poudlard! Ben, c'est qu'apparemment, fermer un train la nuit, ça coûte cher. Ça prend beaucoup de temps, c'est rempli de bureaucratie et de plein d'affaires comme ça. Donc, à la place de vivre cette bureaucratie-là, ils font juste continuer de rouler les trains et j'imagine payer leurs employés un salaire de base. La nuit, j'imagine, à tour de rôle. Donc, c'est un phénomène quand même assez mystérieux. Il y a des gens qui chassent ces trains-là, qui attendent les trains la nuit et qui prennent des photos. Ils s'appellent pas... Oh, je participe pas à ça. Ils s'appellent des ghosties. C'est comme les foodies, hashtag ghosties. Ils voyagent partout au pays, ils cherchent ces trains de nuit, les trains fantômes. C'est donc bien bizarre. C'est fascinant, je veux les voir. Mais non, moi, je pense que j'aurais peur. Juste parce que ça s'appelle de même. C'est juste, ça a l'air piloté par un fantôme. Mais t'as pas le goût de rentrer là-dedans? Ben non. Moi, je suis sûr qu'ils se déguisent, les pilotes. C'est de la fausse peau. Ils se maquillent en humain. Les femmes de présidents qui décèdent, pas les femmes, les présidents. Donc, ouais, les femmes deviennent des veuves. C'est ça le mot. Donc, c'est apparemment un poste avec quelques avantages. Les veuves et la famille autour de président mort vont finir par être oubliés, mais pas complètement. Ils ont quelques avantages à vie, ou en tout cas jusqu'à ce qu'ils se remarient. Des avantages qu'on ne connaissait peut-être pas. Donc, une des veuves les plus célèbres, c'est Jacqueline Kennedy, qui a été complètement dévastée après la mort, l'assassinat de son mari, le président John F. Kennedy, en novembre 1963. Donc, elle est restée à la Maison-Blanche pendant plusieurs semaines après sa mort, préparant ses bagages et se préparant à quitter la Maison-Blanche. Elle n'a pas... elle était protégée parce qu'elle recevait l'aide des services secrets jusqu'à son mariage à Aristotle Onassis en 1968. C'est un avantage qui vient avec. Elle avait aussi droit à un privilège qu'on appelle... en fait, il n'y a pas vraiment de nom. En tout cas, bref, c'est des marques sur les lettres et ça les qualifie pour être envoyées par la poste sans timbre, sans aucun paiement à faire. Donc, le privilège est donné à ceux qui font partie du gouvernement. Bref, et ça permet aux lettres et aux paquets d'être envoyés sans timbre ou rien. Ils ont juste besoin de la signature de la personne. Mais j'imagine qu'à cette époque-là, c'était un peu plus pratique qu'aujourd'hui. Sûrement. Comme avantage. Tu as droit à tout le spam que tu veux aujourd'hui, je pense. Gratuitement. Oui, oui. Sans problème. Voilà pour la première partie de C'est un fait. On fera une deuxième partie tantôt pour l'instant. Oui. Une petite musique. Après ça, David Ferron. Ouais, OK. Ouais, si on veut. Pour la musique, là, c'est pour la musique, là. OK, oui, oui. Je disais ça, là. L'émotion dans ta face. Ouais, ouais. Oh, ouais. De terre. Le rouge pompier. On prend une petite pause, on revient avec David Ferron et sa nouvelle chronique, Les Notes Salées. Et tu dis que je l'annonce? Ouais. Les Notes Salées. Sale. Il veut qu'on chante sa chanson. C'est quoi sa chanson? Je sais pas. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oui, on accueille David Ferron qui est de retour après une absence, je vous dirais, assez prolongée. Ça fait plusieurs sessions qu'on l'a perdu, n'est-ce pas? Oui, Mathieu, Stéphanie, Stéphanie, Mathieu, Mathieu, Stéphanie, Stéphanie, Mathieu, Stéphanie, ouais. Mathieu. Okay, je suis donc... content de vous retrouver. Et le fameux gag de pointer la mauvaise personne, hein, qu'on comprend très bien à la radio. Et sûrement plein de gags avec des personnages que vous ne comprendrez pas du tout leur existence, de pour laquelle qu'elles existent. On a une petite chanson thème pour la chronique Les Notes Salées. Et là, on va l'écouter parce que tu veux qu'on chante dessus, mais on l'a pas entendu, donc on va l'écouter. Faut-tu chanter là? Je vais repartir, il reste comme 5 secondes. OK. Je la repars, on chante. OK. Attention, on repasse. J'adore. Vous êtes créatif. Aucune préparation préalable. Non, pas besoin. Non, mais s'il fallait qu'on ait été préparé pour ça. Donc, David Ferron, bonjour. Bonjour, mes deux demeurés préférés. Comment allez-vous? Hey, merci, c'est fin. Ça va très bien. Ça va, ouais. Mais je me sens ennuyé de vous, pour vrai. Là. Mmh. Oh oui, nous autres aussi. Nous, on t'écoutait ailleurs, assez fou, hein, fait qu'on n'a pas eu besoin de s'ennuyer. On t'écoutait à ton émission Palmarès du Monde, là, les lundis soirs à 18h, avec une intro par Steph et moi. Oui, à part ça, merci beaucoup pour l'intro qui précède de Bougat et sa chanson Nanana qui sert d'intro. On avait fait une autre version, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été gardée. Est-ce qu'on la refait? C'est pour le fun? Il y a Palmarès du Monde! Bon, ça va marcher, ça n'a pas vraiment marché. On dirait les héritiers des slow-mo. C'est émouvant. En tout cas, et écoutez-le, David, lundi soir à 18h, mais on n'est pas là pour faire des plugs, en tout cas. Nous, on n'est pas tard. Là. C'est plus lui qui fait les plans. Les notes salées, on veut savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi tu as inventé ça, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, contrairement aux rumeurs, Guy Jodoin n'est pas mon père, donc c'est pas inspiré de sucré salé. Okay. Mais en fait, les notes salées, comme une note salée, une facture de restaurant qui est très chère. Donc, ça vient, c'est un petit jeu de mots et note pour note de musique. Et ma chronique va diviser en deux parties. Donc, une note fromagère, un coup de cœur musical ou un coup de cœur culturel et la note de Saumur qui est plutôt un coup de gueule dans la bouche. OK, donc fromagère, pas comme dans Cheesy. C'est positif, non, OK? Oui. Et Saumur? Ben, c'est, mais ça, c'est pas bon. Saumur? Non. Quelque chose dans le Saumur, là? Ben, moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas les marinades. Je préfère quand c'est dans la Saumur. Ah, ouais? Mmh. Fait que. On va trouver de quoi de dégueulasse, là? Genre, pour des. Qu'est-ce qui est salé et dégueulasse? Salé et dégueulasse. Couleuvre. Ça a gluant. Ben, on était dans la même direction. J'allais dire ton entrejet. Ah, va donc! Ah oui, ma section entrejet Mathieu Plante. Oui. Donc. La belle image, hein? Merci, Steph. Ça fait plaisir. Alors, pour comment? Du tuyau, t'as-tu dit merci du tuyau? Oui. Entrejet, tuyau, couleur. Parfait. Oh, t'as. Ça commence bien, cette chronique-là, je trouve. Quelle belle insertion habile de ta part. Ah, insertion. Insertion. Et oui, bon, ben tant qu'à se promener dans des endroits assez chauds et humides. Et salés. Alors, en fait, pour commencer ma chronique, voici ma note fromagère. Ce qu'on a entendu en indicatif musical, c'est Moonook, qui est la pièce Contra. Et pourquoi je parle de Moonook? Parce que la semaine prochaine, ils vont sortir leur deuxième album, This is Cave Music. Et j'ai très hâte d'entendre l'album au complet parce que les deux extraits que j'ai écoutés, ça semble vraiment être de la bombe. En fait, Moonook, j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, mais vu qu'ils sortent un nouvel album, fallait que j'en parle parce ben que oui, ben oui. C'est un très bon groupe et en fait, c'est formé de Mike Wilbur et de Wendy McGowan au saxophone et à la flûte électronique ainsi que James Mushler à la batterie. Donc, c'est un trio de gars assez inventifs. D'ailleurs, le saxophoniste, il met comme une espèce de carton dans le saxophone pour faire du dubstep. Ben. Donc, c'est comme de la musique dance électronique, mais naturelle. OK. Ah? Oui, c'est comme du bio-électro-jazz. Étrange. Ouais, mais des fois, c'est pas parce que c'est naturellement présent dans la nature que c'est pas mauvais pour la santé. Là. Ouais. Non, c'est très bien pour la santé de vos tympans. Ils vont ressentir grandi spirituellement. Je suis sûr. Et en fait, c'est ça, la chanson que je vais faire jouer, c'est EY, tirée de leur album Thesis Cave Music. Et le clip est vraiment bien. C'est pas un clip révolutionnaire, c'est un clip à petit budget, mais les clips à petit budget, parfois, quand on a une très bonne idée, ça peut faire des étincelles. Donc, G.I. Joe et Mario Bastien, prenez note. Référence que je comprends moins celle-là, par contre. À moins que je me trompe, mais il y a ces enfants, ben, tu sais pas trop quoi, il y a un monsieur qui publie des clips engagés, mais vraiment atroces. Ah oui? Donc, à moins que je me trompe, je m'excuse Mario Bassé, je me suis trompé de nom, mais G.I. Joe aussi, c'est quelqu'un qui a sorti 3 tunes, c'est un rappeur de Hochelaga. Oui, avec sa copine étrange. G.I. Jane? Oui, G.I. Jane. Mais ah oui, ça c'est mais bon. Je pense qu'elle est morte de honte. On la voit plus. Zut, hein? Nos condoléances à la famille. Mais tant qu'à parler de choses immondes, autant parler de belles choses. Donc, on va écouter EY de Moonoke et vous allez, en deuxième partie de chanson, vous allez tomber en transe. Oh. C'est les notes salées avec David Ferron. Ouais. We'll be right back. Alors, c'était Moonouch avec EY, tiré de leur album qui sort la semaine prochaine, Thesis Cave Music, sur les ondes de C'est fou quand on a fait un FM. C'est les notes salées avec David Ferron, oui. Qui partage une note positive ou fromagère. Oui. Et une note négative ou Non, c'était qu'on avait convenu que c'était la note de tant d'entre gens. Je pense qu'on va rester avec ça. Je vais pas ramener ça sur le terrain. T'sais. Oui, avant de parler de ma note plus négative, c'est pas Mario Bastien le gars qui ose publier des clips, c'est plutôt Mario Benjamin. Mario Benjamin, Mario Bastien et quelqu'un d'autre complètement, faites vos recherches. Ouais, exactement. Non, non on change de sujet. Ouais. Alors, quelle est ma... En fait, c'est pas tout à fait une note méchante, mais c'est un constat que j'ai fait. Bon, fait que déjà, tu déroges la règle de ta chronique, déjà. Ben, ça l'est. Non, mais c'est sa chronique, c'est ses règlements. T'as bien raison. Chicanez-vous pas, les enfants. Vous êtes beaux quand vous accordez comme des accordéons. On est beaux quand on chicane aussi. Ouais. Je vais pas voir votre chicane dans mes yeux. Ah, c'est comme le petit enfant, genre, il faut qu'on reste ensemble à l'animation pour notre enfant qui est David Ferron. Oui. Voilà, garde. On veut pas le perturber plus que ça. En effet, merci. Ah, ils écoutaient, je suis whoops. Ah, ils étaient là. Ils écoutaient les escaliers, oh, whoops. On devrait peut-être parler en anglais pour qu'ils comprennent. Speak in English, different night. OK. Donc, tu disais? Heard everything. You heard everything. On lui a enseigné l'anglais sans le savoir. You're done. L'anglais sans savoir, c'est au tournoi qu'elle a vie. You're done. Alors, en fait, c'est un constat que j'ai fait en tombant parfois malencontreusement sur dans les escaliers, de en écoutant d'autres stations. Mathieu et moi se chicaner. Oh wow, ça va loin. En fait, l'autre fois, je suis tombé sur ce que je croyais être du Wilfred, mais non, c'est du Jean-Marc Couture. Et là, une autre fois, en faisant du ménage, je tombe sur une radio, je pensais entendre du Maxime Landry, mais c'est du Marc-André Fortin. Mais pourquoi? C'est tout pareil. Ouais, pourquoi est-ce que t'écoutes d'autres radios? Parce que je tombe là-dessus. Ah ouais? Mais là, en plus, c'est que je ça pense... Ça explique ton comportement. Oui. Et là, vous allez savoir qu'en plus, en pensant écouter Jean-Marc Couture, c'est du Jérôme... que j'ai écouté Jérôme Delavoye. Là, je m'en rappelle plus son nom de famille. C'est pas ça son nom de famille, Delavoye? Mais bref, je trouvais que les deux se ressemblaient. Je me suis encore gouré d'artistes. En fait, conclusion à tout mon trouble émotionnel et émotif de trimpant, c'est que si Pierre-Carl Pelado, par l'entremise de ses téléréalités, a réussi à brouiller les pistes sur le plan de la chanson, en fait, j'ai pas hâte de savoir comment il va faire son chemin s'il devient chef du PQ. Oh, un commentaire politique! Eh oui! Ouais. C'est ça, les notes salées. C'est ça, c'est ce genre d'opinion qu'on donne aux notes salées. Oui, je fais de l'éditorial cette année. Tout à fait, mais j'aime ça, c'est insérer un petit peu d'opinion. C'est cool, c'est bien dit. Merci. Tu vas nous envoyer une petite pièce de Debbie Tabs. Oui, en fait, que j'ai découvert sur ton palmarès, c'est que j'ai découvert très, très récemment, c'est-à-dire une pièce de Debbie Tabs avec Mister Valère et la pièce Hop, qui est en fait la 19e position du palmarès anglophone que tu animes, toi et Jean-Philippe Charbonneau, tous les mercredis de 14h à 17h. T'as bien appris la nouvelle case horaire. Ben oui, je connais ça par cœur. Ouais. Fais ses devoirs. Oui. Debbie Tabs qui était au jour de la rentrée, hashtag rentrée QTR la semaine passée. Oui, qui a été, paraîtrait-il, un gros succès. Ouais. On écoute ça. C'est les notes salées. Yeah! Avec David Ferron. À Assemblage Rock. My dream. Passion. C'était Up de Tabby Tabs et Mr. Valère sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Mais moi, je peux pas me permettre Tabby Tabs, donc je vais prendre le crédit Tabs. Ouais. Tabby Tabs, Tabby. Je l'ai pas compris. Débit. Du débit. Une carte débit. Ah. Débit. Crédit. Ah. David Ferron, faut t'expliquer. Oui. Merci d'avoir fait jouer du Debitab, c'est très bon. Featuring Mr. Valère en plus. Ben, ça fait plaisir et merci d'avoir joué du Mono. Oui, ben, ça me fait plaisir que tu nous aies apporté du Mono. Est-ce qu'on arrête de se complimenter pour rien? Oui, parce que ça vient long, là. Je sais pas, on dirait qu'on est comme trop heureux de se voir. Tout le monde, les trois ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas animé ensemble. On se fait-tu comme un câlin? À distance? Oui. Voilà. On se retrouve tous les lundis à 8h pour une autre chronique Les notes salées de David Ferron. Ouais, je vous réserve plein d'autres surprises la semaine prochaine. Toujours un côté positif, un côté négatif à la Mini Wheats. Exactement. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre de contraire comme ça, la fleur et le pot? Coup de cœur, coup de gueule. Poivre et sel. Poivre et sel, exactement. Ouais. Sauce barbecue et sauce aigre douce. Ouais. Ouais. Les Calinours, Bleu Nuit. Bleu Nuit. Je me dis tout le temps le contraire de Bleu Nuit, c'est bien les Calinours. Mireille Mathieu, des Barry. OK, bon, là, tu me perds un peu. Ouais. Ouais. La chanteuse de Blondie. Ah, OK, OK. T'as tendance à me perdre avec des références comme ça, un petit peu. Le soleil, la lune. Mm-hmm. Bon, donc à lundi prochain. Non, attends, encore d'autres, on en fait d'autres. Un dernier. Ah, vas-y un dernier, David. T'as le dernier mot, là. Profite-en, parle pas, gaspille-le pas, là. On va être déçus. Un bon. Ouais, je vais y penser. Je sais pas, Mario Bros et Warrior, le méchant. Wario et Colin. Si t'avais pas dit Warrior comme un guerrier, j'aurais accepté ta réponse, mais là, je dois la refuser. On t'a dit de pas manquer, c'est ta dernière. C'est qui ce Warrior? Et t'as Luigi et son le côté méchant. Warrior Luigi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Mario Bros. Je vois ça. Hey boy! Pourquoi c'est pas toi qui a pensé aux références Chiptoons? Ou comment? Pourquoi c'est pas toi qui a pensé à ça, les références de jeux de vidéo? Chiptoons, c'est un style de musique. C'est oui, comme... quand tu vas en faire jouer. C'est comme si tu parlais à quelqu'un qui parle à la communauté noire, puis tu disais, tu sais, le style de blues. Là, ouais. Non, c'est juste un style de musique qu'ils ont fait. T'sais. Ouais, mais c'est quand genre... tu vas en jouer. T'es dans bien gospel. Ouais, gospel. Soul brother. C'est moi, ça. On m'appelle comme ça. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Au revoir. Ah ouais, c'est ça. Ça finit jamais, cette chronique-là. Salut, David. C'est pour ça qu'il n'y a rien après. Merci. J'ai envie de l'entendre en exclusivité, le nouvel album de New Pornographers, Steph. T'es-tu sérieux? Je te jure, ça sort là. L'album s'appelle Brill Bruiser. On dirait David. Attends. Brill Bruisers. Tu veux dire Bill... War... Browsers! Browsers! Bill Bruisers, tout de suite. New Pornographers, nouvel album. Juste là, c'est la pièce titre. Ça, c'est fou. The New Pornographers, c'est la pièce Brill Bruisers. Browsers. C'est le méfait dans Mario, ça, je pense. Au retour, la chronique C'est un fait continue avec une deuxième partie. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc vous êtes toujours à Assemblage requis avec moi-même, Mathieu Plante. Et avec Stéphanie Paradis, puis ça, c'est moi! Ça va commencer par toi, mais des fois, il faut varier aussi. C'est correct. Dans cette demi-heure d'Assemblage requis, on va faire une deuxième partie de cet effet. Pourquoi pas? Et après ça, plus tard, une nouvelle chronique de la part de Stéphanie Paradis, mais on ne dit pas ce que c'est. Ah, OK. C'est tout nouveau. New. C'est la mélodie sucrée. La mélodie... Oh, non. Commence pas avec les mélodies de bonheur, comme les... Tu sais, on s'entend-tu pour dire que c'est Kéten comme titre d'émission du matin, la mélodie de bonheur? On s'entend-tu pour le dire? Ah! C'est pas mal à la pire. Oui. Tu sais, t'as les flottements, c'est là, tu sais, côté Kéten. Moi, je trouve pas. Mais après ça, t'as... Oups, la mélodie de bonheur! Non, c'est horrible. T'as affreux, ça... Bref, dans quelques instants, donc c'est un fait. Pour l'instant de la musique, je me suis dit on va continuer dans le même mood qu'on était tantôt parce que The New Pornographer, c'était bon. Écoutons une deuxième pièce. Oh, parfait. Oui. Voici Champions tout de suite au 80 FM. C'est fou, it's crazy. Wow. ça que je chiffre pas moi-même des intros. Non, c'est pas terrible, hein? Ah! On dirait que j'ai des biscuits soda comme en permanence dans le... Une deuxième pièce de The New Pornographers, c'est Champions. Champions! We are the champions! Sur l'album Brill Bruisers. Ça nous ramène à cet effet. Des choses que tu sais pas. Des choses que je ne sais pas. C'est... Comment tu veux que je participe? On va le faire en même temps. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. On pourrait se consulter avant, j'aime. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Pas dans le désordre, parce que si tu fais véritable, véridique et vérifiable, ça sonne pas aussi bien dans ma tête. Donc, c'est la chronique des choses vraies, mais selon... Internet, exactement. Donc, les sources sont sur assemblagerequis.com et tu vas me dire ce que tu sais, ce que tu sais pas, ce qui est pertinent, ce qui l'est pas. Commençons par Noël. Est-ce que c'est pertinent? Pas vraiment. Non, mais ça pourrait être quand même intéressant. C'est ça. Et les pubs de Noël vont commencer incessamment. Là, je te dirais que la déco est déjà sortie. Pourrait, hein? Probablement. Chez ma mère, on a le catalogue Sears, là. Mais le Noël est arrivé. J'ai fait ma liste. Oh, wow. Hein? Des petits pyjamas. Avec des petits pieds. Puis des petits trucs à tricoter là, pour les enfants. Là. Moi, je regardais juste les jouets pour enfants. Obsédé! Au 3e et au 4e siècle, l'Empire romain célébrait Saturne. Donc, c'était une déesse, en tout cas. L'ancêtre du Père Noël. L'ancêtre du Père Noël. Une déesse religieuse là, en faveur de l'agriculture. Pendant cette semaine-là de fête, les esclaves devaient travailler. On les envoyait travailler. Le gambling était permis. Tout le monde faisait la fête. Ils étaient tout le temps sous. Ils ont donné des cadeaux. Donc, tout ça, c'était bien normal pendant cette semaine-là, qui débutait le 17 décembre. Il continuait jusqu'au 23 décembre, qui était la journée où on donnait des cadeaux. Malheureusement, donner des cadeaux n'était pas la seule chose qui arrivait pendant cette semaine-là. Il y avait aussi du viol et d'autres actes explicites commis pendant cette période-là. Et c'était tout à fait normal et correct. Il n'y avait rien contre ça. Ah! C'est un peu trash Noël. Après l'avoir enlevé du calendrier, ce festival romain continuait d'avoir lieu parce que ça avait du succès, c'était une tradition. Les bonhommes en pain d'épices, d'ailleurs, ont commencé à cette époque-là parce que les biscuits en forme d'humain étaient considérés comme quelque chose de luxueux. Delicacy, c'était vraiment quelque chose de réputé, de le fun. C'était un peu du cannibalisme. Genre. Donc, le festival était aussi, a été mêlé avec la culture chrétienne au 4e siècle pour essayer de convertir les chrétiens en païens. C'est ça, païen, hein, je pense qu'on dit, ouais. Donc, étant donné l'origine païenne de ce festival-là, c'était banni au Massachusetts jusqu'en 1681. Et à cause de tout ça, les témoins de Jéhovah ne vont toujours pas célébrer la saison de Noël de nos jours. Pauvres autres. Ouais. Il y a des milliers de gens dans le monde qui sont incapables de voyager parce qu'ils ne viennent pas de nulle part, ou en tout cas, on ne sait pas d'où ils viennent. Ouais, il y a des gens qui tombent dans une catégorie qui s'appelle statelessness, donc sans état, sans pays. Donc, ils ne sont pas reconnus par aucun pays parce qu'ils ne sont pas capables de savoir d'où ils viennent. Étant donné ces circonstances malheureuses, ils sont incapables d'obtenir un passeport et sans passeport, ils sont incapables de travailler de voyager de pays en pays, même si le pays qu'ils veulent visiter est le pays d'où ils viennent, probablement, peut-être. Tu sais qu'on sait pas. Wow! Ouais. Heureusement, en 2012, l'International Stateless Persons Organization a été formée par H.H. Prince Dr. Fernando Macalor Cruz. Qui lui vient des Philippines. Son but principal était de se battre pour les droits humains. Les droits des gens sans état, stateless people, un petit peu partout dans le monde, leur donner la représentation dont ils ont besoin pour être capables de voyager comme des gens normaux. Son idée, dans le fond, pour l'organisation, il l'a eu pendant une conversation en 2008 avec une personne qui s'occupait justement des stateless people. Mm-hmm. Et finalement, ils ont reçu la capacité de légalement s'enregistrer 4 ans plus tard. Donc, on parle de 2010. Voilà. Ben, tant mieux. Oui. Ça doit être vraiment bizarre. Tu dois te sentir seul. Comme un train fantôme qui roule dans la nuit. À Belfast, dans le nord de l'Irlande, un Land Rover, donc ça c'est un véhicule policier, Land Rover, s'est fait sauter dessus par un paquet d'adolescents, des manifestants. Donc le groupe qui comprenait environ 15 jeunes personnes lançait des bouteilles sur les véhicules alors qu'ils passaient devant eux. Pour les calmer, le service policier le Police Service of Northern Ireland, a eu une idée assez spéciale, remplie d'imagination. À la place de se battre contre ce groupe-là ou essayer de les faire calmer autrement, ils ont décidé de jouer la chanson de la crème glacée. Tu sais là, c'est quoi la petite chanson? C'est quoi? Hein? Je sais pas. Attends un peu, non, je sais, je l'ai. Attends un peu, je l'ai dans ma tête, là, si je peux ouais, la trouver. Ouais, c'est plate, elle est juste là. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ah, ouais, ouais. Là, on s'en rappelle. Ouais. Donc, c'est ça. On parlait donc de musique de crème glacée pour calmer les enfants. Et ça a bien fonctionné. Deux petites secondes, je vais juste repartir ça ici. Voilà. Donc, ça les a calmés. Et Angela Nelson, une conseillère pour le Northern Irish, donc un parti politique Sinn Féin, trouvait que la tactique était très immature, une façon immature pour la police de gérer une situation très sérieuse. Mais la police continue de dire que c'était une bonne idée, croyant que la musique a calmé une situation qui était plutôt tendue. Ça fonctionne. Mais oui, ça a marché. Toujours mieux que du gaz lacrymogène et des affaires comme ça. Poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne et autres cocktails Molotov. Du coke blanc. Pas de la coke blanche, du coke blanc. Ouais. Ça existe. Ah ouais? Mais seulement pour un politicien particulier. C'est le marshal de l'Union soviétique, Georgi Zhukov, qui était tellement gêné dans les années 40 d'être vu en public en train de boire du Coca-Cola qu'il a demandé une version une version transparente. On dit blanche, mais c'est juste comme la liqueur blanche, là, comme diraient mes grands-parents. Donc, c'est du coke qui ressemblait à de la vodka. parce qu'il voulait continuer de boire ça parce qu'il aimait le goût. Hein? Donc, pour faire ça, le général Mark Clark a passé la demande au président Harry S. Truman, qui a passé sa demande au chairman de Coca-Cola, James Farley, qui a ensuite passé sa demande au superviseur technique Miladin Zarubica. Miladin qui a ensuite été obligé d'aller en Autriche en 1946 pour obtenir l'accès à une usine d'embouteillage et trouver un chimiste qui serait capable de faire ça. Quand la couleur a été enlevée, on a mis le Coca-Cola transparent dans des bouteilles transparentes avec un bouchon blanc et ça ressemblait à une bouteille d'eau ou à une bouteille de vodka. 50 caisses ont été envoyées à M. Georgie Zoukov. Voyons donc! Et ça me surprend qu'ils n'aient pas sorti ce produit-là, un peu comme Pepsi Cristal dans les années, je crois, 80, qui était un échec total. C'était un Pepsi transparent comme du Sprite, sauf que ça goûtait le Pepsi. Ça a vraiment eu lieu, tout ça. Ouais, ça doit être bizarre, mais c'est un peu inutile. Complètement inutile. Ouais. C'est une question de statut. La liqueur brune, ça fait peut-être trop grand de masse populiste. Pourtant. Ouais. Et pourtant. En Grèce, il n'y avait pas autant de couleurs que nous. En fait, il y en avait autant, mais ils en n'analysaient pas autant. Ils en connaissaient pas autant. On parle du livre, en fait, du livre et il y a eu d'autres versions, pièces de théâtre. Homer's Odyssey. Mm-hmm. Qu'on a étudié souvent pour connaître un petit peu l'histoire de l'époque. Donc, les descriptions et les détails nous parlent de différents mystères intéressants et ça crée des questions. Ça fait qu'on se pose des questions. Par exemple, la phrase qu'Homer utilise pour décrire l'océan en anglais, c'est « The wine dark sea ». Donc, la mer vin foncé à la place de bleu. Il y avait du vin bizarre ou... Ouais, je sais pas. Et en fait, la palette de couleurs d'Homère était restreinte, à seulement 5 couleurs. Les couleurs métalliques, le noir, le blanc, le jaune-vert et le rouge. Même les philosophes de l'époque n'avaient que 4 catégories de couleurs. Donc, le pâle blanc, baroblique pâle, noir, baroblique foncé, le rouge et le jaune. Ils disaient que l'arc-en-ciel n'avait que 3 couleurs. Wow. C'est vrai que la transition entre les couleurs est quand même assez subtile. Et ben. 3, on sent que la palette n'est pas très, très étendue. Non, hein, c'est ça. Donald Duck, devine combien il y a eu de personnes qui ont fait sa voix jusqu'à maintenant à M. Donald Duck. Donald Duck. 3. 2. Ah. Je te bats. The price is not right. Non, je veux dire une. Comme à Price is Right, ils font tout le temps genre un de plus. Ben oui. Donc, même si sa voix est une des plus connues, peut-être une des plus fun à imiter pour ceux qui sont capables de faire des imitations, ce qui n'est pas mon cas, il n'y a pas eu beaucoup de monde, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont joué Donald Duck dans la vie. En fait, depuis sa conception en 1934 par Walt Disney Productions, il y a seulement eu 2 personnes qui ont amené à la vie ce personnage bien connu. En tout cas, au moins officiellement. Clarence Nash a auditionné pour Walt Disney Studios quand il a appris qu'il cherchait une personne pour faire des sons d'animaux pour un dessin animé. Des sons d'animaux. Pas nécessairement parler. Donc, Disney voulait créer un personnage qui pouvait avoir les aspects plus négatifs que Mickey Mouse ne pouvait plus faire depuis qu'il était devenu un modèle pour les enfants. Ah, ben oui. On a transféré ses caractéristiques négatives à Donald Duck. L'imitation de Nash, l'imitation d'un canard, les a charmés. Hein? Il est devenu l'artiste vocal. Original ou d'origine pour ce célèbre canard fâché. Nash est mort en 1985 et en passant, c'est le film Mickey's Christmas Carol qui est devenu sa dernière performance à vie en tant que Donald Duck en 1983. Son assistant, Tony Anselmo, a pris le rôle pour la première fois dans le film Who Framed Roger Rabbit, évidemment, le célèbre Roger Rabbit. Un rôle difficile au départ. Il y avait une petite compétition contre Daffy Duck, qui est la voix de Mel Blanc. Il faisait un duel au piano, Donald Duck versus Daffy Duck. Ah ouais! Un mash-up. Un rap battle. Il fait encore la voix du canard à Donald Duck aujourd'hui. Superbe. Y a seulement 5 pays au monde qui utilisent toujours le Fahrenheit pour mesurer la température. Les Bahamas, qu'on dit. Belize, les îles Caïmans, Palau et les États-Unis. Les Américains, on le sait, sont assez tête de cochon. Ils vont souvent dire que leur façon est la meilleure façon, quoi qu'il arrive. Mais oui. Par exemple, les Fahrenheit sont toujours utilisés pour la température, même si ça n'a pas vraiment de sens en tant qu'échelle des températures. Pas du tout. Aucunement, il n'y a aucune division possible. Pourquoi est-ce que l'eau bouillerait à 212 degrés? C'est pas un peu genre au hasard total, tout ça, 212 degrés. Puis ça gèle à 30, si je m'abuse. Tout à fait logique. Donc, il était une fois l'histoire des Fahrenheit qui était utilisée par presque tous les pays qui parlent en anglais. Mais dans les années 60 et 70, la plupart de ces pays-là sont passés du bon côté, du côté... pas sombre, éclairé. Du côté éclairé des Celsius, les États-Unis étaient l'exception la plus remarquable. Aujourd'hui, comme je disais, il y a seulement 5 pays, dont les États-Unis, qui utilisent toujours les Fahrenheit. Ils utilisent ça pour, dans le fond, comme c'est appliqué tous les jours dans leur vie, même si la communauté scientifique de partout dans le monde utilise soit les Celsius ou encore les Kelvin. Le Canada utilise encore un peu les Fahrenheit, mais la température officielle est quand même le Celsius. Qui est maintenant considéré comme un standard international de mesure de température. C'est probable qu'un jour dans le futur, les autres pays qui sont toujours très loyaux aux Fahrenheit vont changer, éventuellement. C'est sûr qu'une fois que les États-Unis vont changer, ou le cas échéant, les autres vont changer pour faire pareil. Probablement. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que il y a vraiment pas beaucoup de pays qui l'utilisent, alors que sur tous les thermomètres, on a les deux. Oui. Je veux dire, on a toujours accès aux deux. Mais même au Québec, on utilise quand même les deux façons. Je veux dire, si tu me demandes la température dehors, je vais te répondre en Celsius. Oui. Mais si tu me demandes à combien je dois mettre mon pâté à viande au four, je vais te répondre en Fahrenheit. C'est ça, les recettes sont restées en Fahrenheit souvent. Mais il y a les deux, de toujours dans les recettes, mais je regarde toujours les Fahrenheit. On dirait que les Fahrenheit sont tout le temps ronds, tu sais. Alors que le Celsius, l'équivalent Celsius, serait pas exactement ça à coche. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Fait que même quand tu ouvres le four, moi, il est électronique, là, mais ça y va en Fahrenheit. Ouais. Ça y va pas en Celsius. Même chose pour les grandeurs et les poids. En tout cas, moi, je suis toujours en pied et en livre, tu sais. Je comprends absolument rien en centimètres ou. Ça souffre. Vraiment. Ben, en fait, livre. Ah, je sais plus. Ouais. Moi, je suis vraiment toute mêlée là-dedans. Là. C'est on mélange vraiment beaucoup les deux. Ouais. Mais si tu demandes à quelqu'un la température de sa piscine, il te répond en Fahrenheit. C'est vrai. Il va jamais te répondre en Celsius. Non. Pourquoi sa piscine est à 80? Mais la température extérieure, elle est en Celsius. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, ça n'a aucun sens. C'est bizarre, hein? Y a une bière qui s'appelle Fucking Hell. Ah, elle doit être bonne. Donc, la liberté d'expression, évidemment, ça te permet pas de dire n'importe quoi. Par exemple, tu pourrais pas crier au feu dans une place où il y a du monde. T'sais. La liberté à la d'expression, bombe! C'est ça. La liberté d'expression a ses limites. Ça veut pas dire qu'on doit accepter tes propos partout. T'sais, genre. Malgré ça, on peut quand même se commander une pinte de Fucking Hell, qui est une Pilsner allemande. Ou encore une lager pâle qui est par la Wild House Brewery située dans Black Forest. C'est au Royaume-Uni, si je me rappelle bien plus tard dans l'article. Donc, le breuvage a été nommé en l'honneur du village de Fucking en Autriche. Et Hell est le mot allemand pour pâle, donc une bière pâle. Ah. Et c'est typiquement utilisé pour décrire ce type de bière-là. Donc, à cause de ça, ça devient un nom complètement légal. Et ça n'empêche pas, évidemment, les gens de chialer contre ça. Les autorités locales de Fucking... Dans le fond, donc, je pense que c'est vraiment en Autriche que ça se passe. Les autorités locales de Fucking et le Bureau Trademarks and Designs Registration Office de l'Union européenne, à l'origine, était contre le nom. Le maire de Fucking était contre ce nom-là et disait que ça allait pas être brassé à Fucking, cette bière-là. Impossible. No way. No way in fucking hell. No fucking way. C'est ça, no fucking way. Donc, le maire de commerce a été refusé, mais les co-fondateurs ont argumenté, se sont chicanés et ont dit ce qu'ils avaient à dire là-dessus et finalement, ça a été accepté. Wow. Ces deux-là disaient qu'ils allaient utiliser la marque pour produire de la nourriture et des vêtements avec la marque Fucking Hell. Donc, vous allez pouvoir probablement commander des vêtements Fucking Hell sur Internet. C'est très drôle. Il faut quand même tenir à son point pour s'obstiner jusqu'à pouvoir donner ce nom-là à sa bière. Exact. Voilà pour C'est un fait. Wow. Je pense que j'aurais un petit dernier. Ah ouais? Est-ce que j'en ai un dernier? Ouais, ben parce que je cherchais ceux que j'avais lu au préalable. Je comprends. Surprends-moi. On parle de sommeil. Encore? T'es fatigué? Un peu toujours, ouais, un peu toujours. Mais perdre du sommeil, ça peut s'accumuler. Hein? C'est vrai, ça s'accumule. Juste dormir correctement une nuit, va pas juste te remettre sur le piton après ça. T'sais. Non. Quand t'as du sommeil accumulé, tu dois rattraper le sommeil. T'sais. Donc, combien d'heures est-ce que t'as dormi, mettons, hier soir, par exemple? 6. 6, ben c'est en général pas mal ce que les gens font. 6, c'est sûrement la plupart du temps moins de 8 heures que les mais experts. Mais c'est pas assez pour moi. C'est pas assez pour moi non plus. 6, clairement pas. Mais si tu penses que juste avoir une seule bonne nuit de sommeil dans ta semaine va être assez pour ramener l'équilibre, tu as tort. On appelle ça la dette du sommeil. Ah! Sleep debt, c'est la différence entre le sommeil que tu devrais avoir par soir et ce que tu as pour vrai. Le déficit ne revient pas à zéro quand tu prends quelques heures de plus un dimanche matin, par exemple. Ça continue de pousser, de grandir, même quand tu manques quelques minutes de sommeil par soir. L'Américain moyen, comme on l'a dit, comme on l'a dit à peu près, prend en moyenne 6,9 heures de sommeil par soir, ce qui est presque 7, ce qui est plus que je pensais. Moi, je pensais que c'était plus dans le coin du bas du 6. Donc, en moyenne, 6,9 heures de sommeil. Ce qui veut dire qu'une heure de sommeil par soir est perdue, parce qu'on recommande entre 7 et 8 environ, donc environ une heure est perdue. Ce qui veut dire presque deux semaines complètes par année. Et tu vas commencer à le sentir éventuellement, donc une mauvaise vision, donc ta vision va affaiblir, va être plus faible. un cerveau un petit peu plus flou. Une mauvaise, comme à peu près maintenant, comme la traduction est plus difficile. Une mauvaise conduite en voiture, tu vas oublier des choses aussi, ce sont des symptômes du manque de sommeil, mais on peut renverser ça. Aller se coucher quand on est fatigué et se réveiller naturellement sans alarme est la façon la plus recommandée. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours évident. Non, je te dirais, mettre ton alarme le plus tard possible pour essayer de te réveiller avant. En ce moment, je m'endors sur une période de 2 heures avant de m'endormir environ et puis je me réveille avant mon alarme qui est programmée pour genre 6h15. Je me réveille avant l'alarme, ça n'a pas de sens, t'sais. Non. Mon corps a besoin de plus de sommeil que ça, mais je pense qu'il est tellement, il veut tellement se réveiller à bonne heure, il veut tellement pas manquer sa chance qu'il se réveille ça. Et bref, on s'attend à voir si on suit la ligne directrice de s'endormir quand on est fatigué et de se réveiller naturellement sans alarme, on peut s'attendre à environ 10 heures de sommeil par nuit, ce qui va vous donner un sentiment de, vous allez vous sentir dans un état catatonique un peu. Tu sais, vous allez comme, tu sais, difficulté à se lever, on se sent un petit peu comme bizarre, mais ton besoin de sommeil va graduellement descendre. Tu vas pouvoir ensuite trouver un équilibre et vivre une vie sans alarme à partir de là. Donc, plus tu vas le faire, graduellement, tu vas avoir besoin de moins de 10 heures et tu vas être de moins en moins grognon le matin. Bon, c'est ce qu'il nous conseille. C'est un travail à long terme. En effet, c'est pas facile de réussir à faire ça dans la vie. Non. Il fallait se coucher quoi, à 8 heures? Ben, pas nécessairement, mais... Se coucher. Quand tu commences à être fatigué, faudrait aller se coucher exactement à ce moment-là. Parce que sinon, si tu ne tombes pas endormi à cette période-là, ça reprend une heure avant de retomber dans le « je suis prêt à dormir ». Donc, à chaque fois, si tu dis « non, il reste 5 minutes à mon émission », tu viens de perdre une heure de sommeil au complet. Là. Donc, il faut savoir écouter son corps et non la télévision. Mais c'est pas facile! Non. Mais tu sais, on recommande de se créer une petite routine avant d'aller se coucher, peut-être lire un livre dans le divan. Ou tu sais, une place qui n'est pas ton lit, puis qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de luminosité, il n'y a rien, c'est juste ton livre. Ou voyons donc, tu penses vraiment que je ne vais pas lire dans mon lit ou aller sur mon iPod jouer à mon Roi Nuage? Ah, Roi Nuage, hein, ouais. Roi Nuage. C'est nouveau, ça, c'est... Non, ça fait trop longtemps que je joue à ça. Okay, je vais aller voir ça. Moi, ce qui me surprend ces temps-ci, c'est que... Comme je te disais, j'ai de la difficulté dans la longueur que ça me prend avant de m'endormir. Puis j'ai remarqué dans mon petit logiciel de dormage là, que j'ai sur mon iPhone que je me réveille d'ennui à des moments que je ne savais pas que je m'étais réveillé. Sûrement parce qu'il y a des bruits à l'extérieur. Mais tu sais, il fait tellement chaud en ce moment, je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte. Ben oui. La fenêtre ouverte me fait entendre les sons qu'il y a dehors. Fait que tu sais. Oui, oui, oui. C'est dur. En tout cas, bref, vous comprenez le principe, c'est compliqué. Au retour, on va se faire un petit son foutu palmarès. Ah, d'accord. Mais avant ça, Panda Léon et Toon de chasse, 89 FM, c'est fou. Lequel est-ce qu'on fait? Les affaires d'école, je pense. La bête a trop perdu de sang. Le mien reste froid. On traque, on l'amène à sa perte. La chasse est ouverte. Forêt, on a les mêmes gammes. On a faim, faut rester muet. Des cravings de fire. Léon et Toune de chasse à Assemblage Requis. Ça s'en vient la chasse? Oui, hein? Pas d'écureuil. Pas d'orignaux que t'es allé en voyage de. Pas de chasse, mais de prise de photos d'animaux qui seraient typiquement chassés. Ben, je suis allé monter un mont, le mont Ernest Laforce, que tu dois probablement connaître. Ernest the Power. Puis finalement, on a juste vu trois Suisses, mais pas l'animal, là. Les gens qui viennent de la Suisse. Et pas le bloc de fromage non plus. Ton histoire a des trous. Mais j'ai vu des tétrases. Est-ce que tu connais la tétrase? Non, c'est une sorte de tétromino dans Tetris, ça. Non, c'est un oiseau. C'est la barre, non? Non, c'est, non. C'est un oiseau. Okay. Puis va voir ça, c'est fascinant. Le mâle a comme un gros sourcil rouge et je trouve ça fascinant. Je te jure. C'est un mono-sourcil? Non, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Parce qu'il a fait rire de lui. Oui. Mais là, on dirait que c'est maquillé pour aller séduire sa femelle. Bal masqué, oui. Tiens, on va faire une liste de choses. Ah oui? Ouais, une petite liste à cocher. Pain? Voici. Lait? Non, ça, on l'a déjà fait. Sourcils, poils de nez, poils des oreilles. C'est son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès. On établit une liste sur un sujet précis. Aujourd'hui, on parle d'école un peu, Steph. Oh, ça me tente pas. Ben non, je te dis, moi non plus, ça me tente pas. Mais c'est des choses intéressantes par rapport à l'école. Par exemple, on va commencer avec une liste sur ce qui était différent à l'école dans les années 1800. Ah, ça c'est intéressant. Très, très loin en arrière, au 19e et 20e, au début du 20e siècle. Donc, il y avait des écoles qui n'avaient qu'une seule pièce. C'était la norme dans les endroits ruraux, donc en campagne. Un seul professeur enseignait aux élèves de la première à la huitième année, tous ensemble. Oh, pas évident. Non, hein? Les plus jeunes élèves, nommés des abécédariens, hein, parce qu'ils apprenaient leur alphabet, ABC, s'assoyaient avant, et ceux qui étaient plus vieux s'assoyaient à l'arrière, et c'était chauffé par un seul four à bois. Ah! Cool, hein? Ensuite, il n'y avait pas de moyen de transport pour se rendre à l'école. Tu sais, les grands-parents, je marchais dans la neige. Ah ouais, avec un ours qui me courait après mon pipi sur le dos. C'est à peu près ça. Donc, la plupart des écoles étaient construites pour servir les étudiants qui vivaient à l'intérieur d'une distance de 4 à 5 milles de distance. Elles étaient considérées assez proches pour qu'ils puissent marcher dans la neige. Ah ouais. Dans certaines écoles, les garçons et les filles entraient par des portes séparées. Ils étaient aussi séparés pour les leçons qu'ils avaient à faire. Donc, les leçons étaient séparées et on séparait les garçons des filles. L'année scolaire était beaucoup plus courte à l'époque. Lorsque le département de l'éducation a commencé à rassembler les données sur le sujet dans l'année scolaire 1869 à 1870, les étudiants allaient à l'école pendant environ 132 jours par année. Le standard de nos jours est environ 180 jours par année, dépendant de quand leur famille avait besoin d'eux pour les moissons. Ah, ben oui, c'est vrai. Mm-hmm. Ils servaient à quelque chose à la maison dans ce temps-là. C'est ça. J'ai besoin de pas rien jouer au Game Boy. Ouais. Donc, on disait qu'il y avait seulement environ 59% des enfants qui se présentaient à l'école. L'école commençait en moyenne à 9h du matin, se terminait à 14h ou 16h, dépendant de la place. Il y avait une heure pour la récré et pour l'heure du dîner qui s'appelait le nooning. Tu sais, une petite vite, là, on appelle ça un petit nooning. Nooning. Oubliez les cartables à velcro et les crayons stylos à gel. Il n'y avait pas, évidemment, d'équipement scolaire fancy au 19e et au 20e siècle. Les étudiants avaient une tablette, donc un tableau et un peu de craie. C'était ce qu'on avait à l'époque pour écrire. Des fois, les étudiants aidaient leurs enseignants à enseigner. Dans le système Lancasterian, les étudiants ou les élèves plus vieux et plus forts apprenaient des leçons directement du professeur et ensuite enseignaient aux plus jeunes étudiants, aux étudiants plus faibles. Ah! Bonne idée quand même, ça. Du mentorat. Pas payé, ça, par exemple. Du bénévolat mentorat. Ah ouais. Les leçons étaient très différentes d'aujourd'hui. Les professeurs, les enseignants enseignaient des sujets comme la lecture, l'écriture, l'arithmétique, l'histoire, la grammaire, la géographie, etc. On peut voir des exemples de livres d'ailleurs sur assemblagerequis.com. Les étudiants ou les élèves allaient mémoriser leurs leçons et le professeur ou l'enseignant les amenait à l'avant de la classe pour réciter ce qu'ils avaient appris. Donc le professeur ou l'enseignant pouvait les corriger sur la prononciation, par exemple en direct, alors que les autres étudiants ou élèves continuaient à travailler derrière eux. Les enseignants, des fois, vivaient avec la famille de leurs étudiants. Selon Michael Day de la Country School Association of America, cette pratique-là s'appelait le boarding round. Et souvent, l'enseignant emménageait dans la maison d'un des étudiants ou des élèves. Il changeait d'élève à chaque semaine environ. C'est un peu bizarre, ça. Vraiment, hein? T'apprends mieux, j'imagine. Tu veux pas décevoir personne, puis... la discipline était très stricte. Donc, dans les années 1800 au début des années 1900, tu pouvais aller en détention, avoir une suspension, te faire expulser, mais aussi, tu pouvais te faire frapper. Ben oui, carrément. Tu sais, la verge. La verge, ça sert à ça. Donc, il y a des petits exemples sur assemblagerequis.com. On utilisait des fois une règle, un bâton pour pointer, pour frapper sur les jointures ou les paumes des étudiants, des élèves. Il y avait aussi des fois tenir un livre lourd pendant plus d'une heure et écrire « Je ne ferai pas » et le reste de l'activité, un petit peu comme Bart Simpson, des Simpsons. Ouais, ouais. Ça, j'en ai fait de la copie comme ça, par exemple. T'as fait ça? Sur un tableau? Oui, mais c'était à la maison. OK. Sur ramener la copie. Parce qu'au tableau, t'as la main dans les airs, tout le monde. Il n'y avait pas de dîner fourni par l'école, même si les familles avaient l'argent pour. Les enfants apportaient leur dîner dans une boîte de métal. Et les étudiants, les élèves buvaient de l'eau dans un seau qui était rempli par les plus vieux garçons en utilisant un verre d'aluminium. Voilà. Ouais, mais là, moi aussi, j'amenais mon lunch à l'école. Oui. Quand il fallait que je dîne à l'école, parce qu'on n'avait pas de cafétéria. Non. Mais en fait, je retournais dîner à la maison. On retournait tous dîner à la maison. On avait un autobus sur l'heure du midi, nous autres. Ah, wow! Crime, t'imagines la perte de temps que ça occasionne de prendre l'autobus, aller dîner, revenir en autobus. Tu perds quoi? Au moins une heure et demie? Non, c'était vraiment proche. Proche, vraiment proche. Okay. Et pour plusieurs, l'éducation se terminait juste après la 8e année. Pour graduer, les étudiants devaient passer un examen final. On peut voir un examen final typique de 8e année dans le Nebraska vers 1895 dans un PDF sur assemblagerequis.com. Entre autres, il y avait des questions comme nommer la partie du discours, les parties d'un discours et définir celles qui n'ont pas de modification. D'accord. Après, il y avait aussi une boîte de wagon à 2 pieds de profondeur, 10 pieds de longueur et 3 pieds de largeur. combien est de quel est l'âge du chauffeur d'autobus? C'est combien de foin est-ce que la boîte de wagon peut genre en foin, ben oui, on va contenir en foin. En blé, en grain de blé. Et ben. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. Dans quelques instants, on a deux choses dans la dernière demi-heure, Steph. Deux bonnes grosses choses, deux morceaux de consistance comme du gruau le matin, le gruau et les fruits, et le sirop d'érable, mais tout ça en même temps. Une nouvelle chronique de ta part s'en vient. Ben, mais ça. Et une nouvelle chronique de la part d'Alexandra Carignan. C'est tout à fait vrai, une nouvelle chronique, deux nouvelles chroniques au retour à Assemblage Requis, mais pour l'instant, quelques petits messages. Mais petits. Ah, OK. Mais pertinents. Donc, tu parles pas? Ben, ça se peut que je parle, des fois je fais des voix d'un peu. OK. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante, c'est toi. Oui, c'est tout à fait moi. Et on reçoit Alexandra Carignan, on la connaît. D'habitude, elle fait une chronique Le Temps d'une culture le mardi. Eh oui. À l'émission, mais maintenant, on va l'accueillir aussi le lundi. Eh oui, je peux pas me passer de vous. Nous non plus. Tu savais plus quoi faire de tes matins? Je sais pas quoi faire de mes matins. J'ai appelé Mathieu, elle est là en panique. Ben, comme ça, elle se lève, ça la force à se lever. Je me lève. Oui, oh, c'est ça, je me lève. C'est ça. J'avais une version sans les paroles. Hein. Avec les paroles, c'est encore meilleur. Hein. Donc, on va t'accueillir avec une nouvelle chronique de nouveautés musicales. Oui. C'est génial, mais on n'a pas vraiment de nom ni de thème. On a un nom, par exemple. On a un nom. Eh oui, c'est la boîte à musique. La boîte à musique? Eh oui. La boîte à musique. Non, non, ça, j'ai pas dit. Non, moi, ça, non. Parfait. C'est pas ça, c'est pas David Ferron. Qu'est-ce que c'est la boîte à musique? Est-ce qu'on doit tourner une manivelle, quelque chose? Presque. En fait, la boîte à musique, c'est chaque semaine, je vais vous présenter là, une découverte musicale. Un peu comme ce que mon copain faisait l'année dernière. Maxime Tanguay, c'est un manque. Mon copain, Maxime Tanguay. Mais beaucoup plus pop. Mais pas trop. Mais pas, non. Je vais y aller plus dans le indie. Moi, ce que j'aime dans la vie, là, outre la teen pop, là, que beaucoup me connaissent pour ça, j'aime beaucoup la musique indie, la musique folk et les songwriters qu'on appelle là, des auteurs-compositeurs-interprètes, ouais. Autant québécois que all over the world. donc, je suis un peu un range différent de mon copain qui va souvent se tenir dans le rock, dans l'alternatif, donc quelque chose d'un peu plus... disons, ben, méconnu. Ouais. Moi, les suggestions que je vais vous donner, là, je ne vais pas chercher ça extrêmement loin. Mais ce n'est pas sur les palmarès. Et ça, mes suggestions, c'est ce n'est pas assez fou, mais ça devrait l'être. Ça pourrait l'être, parce qu'on ne va pas forcer personne. Ouais, non, ça devrait. Ça devrait, ouais. Ça pourrait l'être. Donc oui, effectivement. Donc je vais vous présenter là, chaque semaine un petit coup de cœur musical. Parce que moi, la musique, là, ça marche en coup de cœur. Parce que sinon, là, ça ne marche pas. C'est des petits kicks. Hein, faut que ça soit le coup de foudre. Ouais, ouais. Oui. Et là, mon premier coup de foudre que je vous présente, c'est un groupe que je suis depuis longtemps et qui a récemment sorti son dernier CD, en fait, je pense, la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est le groupe Angus and Julia Stones, qui est un groupe australien de frères et sœurs. Donc, Angus Stone and Julia Stones. les deux, en fait, sont mi-vingtaine, même fin vingtaine. Ils sont deux auteurs-compositeurs-interprètes. À la base, là, ils faisaient des carrières dites solo, là. Donc, d'un côté, Angus et d'un côté, Julia. Et finalement, de but en blanc, ils se sont rencontrés. Et là, ils viennent d'Australie, mais ils se sont rencontrés en Amérique du Sud lors de deux voyages complètement pas planifiés. Puis, tu sais, là, au même titre que tu jases un peu avec ta sœur, mais quand t'es rendu dans ta vie professionnelle puis que tu voyages, tu l'updates pas tout le temps. Mm-hmm. Alors, ils se rencontrent en Amérique du Sud et font « Hey, pourquoi on n'écrirait pas des chansons ensemble? » Passer plus de temps ensemble, en famille rapprochée. Oui, ben je sais pas si c'est le but de renouer une amitié de sœur, de frère, je sais pas. Mais tout est fait qu'en 2007, ils se sont rencontrés et ont décidé d'écrire un album. Donc, A Book Like This, qui justement est très folk, indie, planant. très, très... C'est vraiment doux. C'est une belle musique. Et c'est beaucoup, en fait, des très belles paroles. Et en fait, en 2010, ils ont ressorti un deuxième album qui, là, les a propulsés. C'est Down the Way. Que là, il est vraiment le plus connu. D'ailleurs, là, leur chanson Big Jet Plane va être jouée sur beaucoup d'ondes. Va être aussi utilisée dans une télésérie française très connue. Alors, je sais pas parce qu'on la connaît pas ici. Très connue ailleurs. C'est ça. Très connue ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, ils viennent un peu de faire leur marque. Et d'ailleurs, là, eux, quand même, même s'ils ont fait ça, ils ont décidé de faire des albums solo tout de même. Donc, Angus Stones a sorti son propre album. Julia aussi. Elle a sorti là, son premier album, The Memory Machine, qui a été vraiment... en fait très bien reçu à la critique. Et il faut mentionner d'ailleurs que frères et sœurs n'ont jamais écouté ce que l'autre faisait. Ah. Donc, c'est pas... c'est ça. Ils veulent pas réécouter ce que les autres, ce que l'autre fait. Ils veulent vraiment être dans l'ambiance que eux font. Quand en fait, ils l'ont écouté finalement, mais il dit, moi, j'ai écouté l'album de ma sœur quand je l'ai acheté. Je l'ai pas écouté avant. Mm-hmm. J'ai pas fait partie du processus. Donc, ils ont vraiment des carrières solo qui sont complètement différentes. Et là, Down the Way, on mentionne que c'est 2010. Et là, Angus and Julia Stones, éponyme, est sorti en 2014. Donc, ça a pris 4 ans. Oui, il est sorti il y a 2 semaines. OK, cool. Alors, ça a pris 4 ans avant d'avoir un nouvel album. Évidemment, là, il y avait les albums solo qu'on pouvait avoir, mais c'est pas la même chose. Pour avoir The Memory Machine de Julia Stones, on a l'aspect de Julia, mais il nous manque le petit Angus, ben, selon moi, là, parce que c'est très bon tout de même. Mais Angus, c'est un beau tout, Angus and Julia Stones. Et on l'attendait depuis longtemps, cet album-là. Il est finalement sorti et c'est vraiment très, très bon. On parle de Down the Way, qui, leur deuxième album, très planant, beaucoup, beaucoup planant, en fait. C'est le genre d'album que quand je suis pas capable de m'endormir, là, j'écoute ça, puis ça me met dans une espèce de transe. Angus and Julia Stones, qui vient de sortir, très différent, beaucoup plus... upbeat. Donc, et vous allez voir, là, je vais vous en faire écouter, puis on reste planant dans la voix. D'ailleurs, Angus me fait un peu penser à un petit Bob Dylan. Ah oui? Une espèce de parler-chanté, là. Alors que Julia a une voix très, très, très fragile. Ben, pas au sens littéral du terme, mais bien dans ce qu'elle dit. Donc, ça fait un beau tout ensemble. Et ça, c'est le fun à voir. Et ils ont l'air complices sur scène aussi. Tu sais, c'est un frère et une sœur quand même. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous voulez des billets pour Montréal, too late, c'est déjà sold out. Dommage pour vous. Et oui, dommage pour vous. Ouais, et d'ailleurs, là, si on regarde sur la liste de leurs concerts, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles qui sont sold out. Alors, on va... Je parle, mais maintenant, mettons des sons sur mes paroles. Alors, on va aller écouter la première chanson, en fait, qui est le deuxième extrait. On va l'écouter Heartbreak, d'Angus and Julia Stones. 12 pouces Buffangus et Sauce Ranch. Dans la chronique La Voix de la musique avec Alexandre Carignan. Toujours le mot juste, Mathieu. Vraiment pas. Mmh. c'était A Heartbreak de Angus and Julia Stones, ma découverte musicale dans la boîte à musique. Donc, vous voyez, c'est très... Je disais Bob Dylan tantôt concernant Angus, tu sais, il y a un petit peu le franc-parler. La voix de Julia qui est très, très... qui est fragile, justement, là, très douce. L'album, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont produit, mais avec Rick Rubin. Donc, Down the Way, qui est leur deuxième album, ils l'avaient produit tous les deux ensemble. Et là, ils ont fait appel à Rick Rubin, qui a travaillé avec Lady Gaga, Kanye West. Et là, on peut y aller avec Black Sabbath, Mick Jagger, System of a Down. Donc, qui est vraiment très varié dans son genre de production. Et lui a travaillé avec les deux. Donc, c'était pas juste l'enregistrement, c'était vraiment là, la production complète. Et je pense qu'il a amené une espèce de plus là, qu'on on retrouve là un album qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus fini que Down the Way, qui était justement très planant, pas stagnant, mais je l'aime, là, mais il y a quand même une redondance qui revient dans l'album. Avec cet album-là... C'est un petit peu plus poli, hein, comme une pierre serait polie, Stone. Oui, en fait, c'est ça. Là, ouais. C'est... Bon. Ah, non, tu voles un gag, là? Non, en fait, j'allais dire... Mais oui, c'est un bon commentaire. Finalement, c'est juste une blague. Ouais. Mais c'est un bon commentaire quand même, c'est plus poli. Alors, tu sais, on... Et justement, c'est ça, c'est quand même intéressant parce qu'on dirait qu'ils reviennent, ils se connaissent plus. Ça fait un album qui est plus complet. Et que moi, je trouve ça rafraîchissant parce que ces temps-ci, les découvertes musicales indie là, sont pas mal le folk. C'est oui, le folk. Hein? Que ça. C'est bon, là. Moi j'adore le folk. Mais à un moment donné, la guitare et les harmonies, on en revient. Mm-hmm. Alors, c'est ce que je trouve intéressant. On rentre dans une espèce de. Le vrai sens de l'indie, là, qui est un peu plus. C'est de la musique un peu plus lointaine, mais c'est pas trop détaché. C'est ce qui est le fun avec Angus and Julia Stone. Ça vient chercher le beau juste milieu de la musique folk, un peu pop aussi, dans leur mélodie. Et de très belles paroles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ceux qui aiment juste Julia Stone ou juste Angus, on en retrouve un peu dans l'album. Il y a des chansons où est-ce que c'est juste Angus qui chante. Les deux jouent de la guitare, en fait, là, donc ils sont tout le temps sur scène. Mais il y en a que c'est juste Julia aussi. Les deux sont dans le processus de... Toutes les chansons ont été écrites ensemble. Mais il y a des chansons qui sont écrites, qui sont chantées seulement par un. Donc, c'est vraiment là... Moi, c'est mon album qui va jouer beaucoup. Là. Une musique très automnale aussi, qui va avec le froid qui s'en vient. Moi, j'adore ça. Alors, j'aime tellement ça que je vous en pousse une autre. Yay! Alors, on va aller écouter le deuxième extrait de l'album qui s'appelle Grizzly Bear d'Angus and Julia Stone. C'est ça, j'allais te demander, c'est quoi Stone-là? Stone-là. C'est la boîte à musique d'Alexandra Carignan. She's got this way. wrapping her little heart around mine. Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high to the mountain sky? We can go as far as you wanna go. C'était Grizzly Bear de Angus and Julia Stones, qui était ma découverte musicale dans la boîte à musique cette semaine. Whippidoo! Alors voilà. C'est ça. On va te retrouver chaque semaine. Eh oui, chaque lundi. Pour une nouvelle chronique de la boîte à musique où on va découvrir de la musique comme ça, que tout droit sorti d'une de tes boîtes de CD, j'imagine, oui, que tu as chez vous. Oui. Pour ça, la boîte à musique. C'est pour ça, la boîte à... Ben non, c'est pas pour ça. Non, c'est, je voulais trouver un... Quelque chose de cute. Ouais, ben en fait, cette semaine, j'ai écouté Anastasia, puis... C'est un film de princesse, ça? Presque. Ouais. Ben oui, mais non. Mais en fait, elle est vraiment morte, là. Mais le film, c'est qu'elle est pas morte, dans le fond. C'est un peu lugubre, puis, ça. Puis c'est ça, mais sa grand-mère, elle donne une boîte à musique, fait que ça m'a fait penser à ça. Mm. Mais non, elle est pas morte, c'est Romanoff, là. En tout cas. C'est comme les pâtes? Ouais, c'est comme Stroganoff. C'est ça. Stroganoff. Demain, on te retrouve aussi mardi matin. Mercredi matin, c'est rendu mercredi matin, t'as c'est bien mercredi, raison. Ouais. Tu vois comment je connais le rap par cœur pour la chronique Le Temps d'une culture où tu nous parles d'art et spectacle. Oui, on va d'ailleurs revenir sur le premier match de la Luître qui est ce soir. Oui, ce soir, 20h. On devrait le dire, je pense qu'on devrait faire la tradition, ce sera le lundi, on dit aussi. On dit aussi la Luître. Il y a la Luître le lundi soir. Oui, c'est ça. Donc ça se passe ce soir, c'est gratuit à la Chasse-Galerie. C'est un match capitaine versus arbitre. Exactement. Ça va promettre, ça va être bon. Ça va être bon. Ah oui. Il y a aussi l'animation autour de ça qui ne sera pas nécessairement bonne. Mais ben oui, hein, le match va être bon. Tu vas avoir un baptême d'animation de la lutte ce un soir. Un petit peu, ouais, c'est ça. Oh là là! Un petit peu. Faut pas manquer ça. Eh hey boy, eh hey boy. C'est une belle occasion de rire de Mathieu. Venez, là. Merci. De plus. Ouais. On t'aime d'amour. Merci. OK. Je pense qu'elle ne sera pas là. Steph, elle ne sera pas là. Hein? Elle sera pas là? Ben oui, je vais être là. Tu vas être là ce soir. C'est drôle. Tu es là ce soir. Je pense que je vais manquer ça. Pour vrai? Ben oui. OK. C'est fait. Bon, donc, merci Alex. Ça me fait plaisir. À mercredi. Ben oui. Nous, ça va être la fin d'une autre édition de Semblage Requis. Qu'est-ce que c'est ça? Mais on est de retour demain! Entre 6h30 et 9h30 yeah! Avec une nouvelle édition. Et demain, on est mardi. Évidemment, le mardi, plein d'affaires. C'est pas bon. C'est pas le fun, ce mardi. Hein? Qu'est-ce qu'on a le mardi? Je sais dessus. Je connais pas Lara par cœur. Faut rendre là encore. Un jour, je le saurai par cœur. Ouais, avance pas l'histoire. Avance. Tout d'un coup, je me trompe. Veux-tu que je t'en dise un? Au moins un, le mardi. On a. Mireille Mathieu. On a personne de prévu demain encore. C'est du stand-by, c'est des gens qu'on sait pas trop. Donc, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. C'est fou.ca pour la programmation complète qui contient, entre autres, Génie en liberté qui commence dans quelques instants. Mm-hmm. Ensuite, le dîner de con avec Danny Janvier. Et puis, à 18h, David Ferron avec son émission Branche Palmarès du Monde. Palmarès du Monde. Oh oui, oh oui. Voilà. C'est tout. Merci, Steph. Merci, Mathieu. À demain. Ben oui. Même à ce soir, à la Luître. À la Luître, en effet. On se quitte avec une très bonne pièce du palmarès que j'ai déjà oublié ce que c'était. C'est Chaud Sauvage. Ouais, c'est ça. Avec l'épave trouée. Fini bien, cette mission-là. Pas pire, hein? Je savais où je m'en allais. T'sais. C'était pas là. Je sais pas ce que j'aurais fait. Ben, comme d'habitude. Là, patiner? Ouais. Je suis rendu niveau sport. Olympique. Ouais. C'est du sport. Vraiment. Attends. Qu'il te drape vivant, ton corps est une épreuve.